De retour à Futur Simple après cette pause publicitaire et je reçois maintenant notre chroniqueuse Morgane Lemasson qui elle-même va recevoir Mathieu Guiton, professeur à la faculté de médecine à l'Université Laval et chercheur à l'Institut en santé mentale de Québec. Bonjour Morgane, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Et vous allez tous les deux, vous allez nous faire rentrer dans l'ère bionique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ère bionique? Et aussi, dis-moi, Morgane, c'est pas la première fois que tu reçois Monsieur Mathieu Guiton à notre émission. Non, en effet, en fait, on a déjà établi ensemble deux chroniques. La première traitait de l'utilisation de la réalité virtuelle en médecine, notamment pour soigner des phobies ou des dépendances. Et la seconde traitait des problèmes liés aux acouphènes et des traitements possibles. Et en fait, suite à cette chronique-là, on avait eu pas mal de questions d'auditeurs et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'inviter Mathieu Guiton pour venir nous en parler directement. Alors bonjour Mathieu. Lors de notre chronique du 7 octobre 2010, on avait parlé des acouphènes et on disait à cette époque-là qu'il n'y avait aucun traitement pour les soigner. Mais par contre, vous avez établi une méthode qui s'appelle l'approche transtympanique qui avait donné des résultats très satisfaisants chez l'animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est l'approche transtympanique et ce qu'on avait obtenu comme résultat? Oui, bonjour Morgane. Donc l'approche transtympanique, c'est une approche qui nous permet d'aller au travers du tympan et qui nous permet d'appliquer directement au niveau des liquides de l'oreille interne des agents pharmacologiques. Donc on peut faire une véritable pharmacologie cochléaire et l'avantage bien sûr, c'est qu'on n'a pratiquement pas de risque d'effet secondaire parce que les agents vont pas pouvoir aller dans le cerveau ou à d'autres endroits, on est juste au niveau de l'oreille. Donc les médicaments sont bien ciblés. Ils restent sur place, exactement. Okay. Et depuis 2003, nos travaux nous ont permis de comprendre certains des mécanismes biologiques à la base de certaines formes d'acouphènes et nous avons réussi à bloquer un certain nombre d'acouphènes chez l'animal, en particulier dans notre laboratoire, on bloque 100% des acouphènes induits par un traumatisme sonore et certains acouphènes induits par des drogues. D'accord, comme on avait dit, comme l'acide salicylique qui est l'aspirine. Un an après, en fait, ces études-là ont été menées chez l'animal. Les questions des auditeurs voulaient porter sur qu'est-ce qu'a donné ces études? Est-ce qu'on est passé à une approche préclinique chez l'homme? Alors effectivement, depuis un an, là, les choses ont beaucoup évolué. En fait, depuis 2008, on a fait des premiers essais cliniques préliminaires en Europe et on n'avait pas encore les résultats. Les résultats sont tombés en début 2011 et ils étaient extrêmement positifs. La totalité des patients qui ont été traités ont eu un effet positif au moins partiel. Ce qui fait qu'au début 2011, la FDA, c'est l'agence américaine qui s'occupe de gérer les médicaments, a autorisé le début d'essais cliniques aux États-Unis et le premier essai clinique en Amérique du Nord a commencé en début 2011. Et c'est un essai clinique de phase 2B, c'est-à-dire avec un grand nombre de patients. Alors, on va attendre les résultats un petit peu, là, ça vient de commencer. Mais clairement, tout ça est porteur d'espoir pour les patients acouphéniques. On se dirige vers des choses chez l'homme. Donc, ça prendra encore quelques années, j'imagine. Un petit peu de temps, quelques années, mais au moins le passage est fait de l'animal à l'homme. À l'homme, oui. Et donc ça permettrait de traiter certains types d'acouphènes, comme on l'a dit, mais dans des cas plus sévères, comme le cas de la surdité, vers quelle méthode tend la médecine actuellement? Alors pour l'acidité, la situation est un petit peu plus différente. Dans le cas de la surdité, on a une atteinte, on a une destruction des cellules neurosensorielles. Oui. Donc là, une approche pharmacologique ne suffit pas, il n'y a plus de cellules, il faut faire autre chose. Et la solution, dans ce cas-là, c'est de faire appel à une prothèse, en l'occurrence un implant cochléaire, qui est une interface homme-machine. Et là, on entre dans le domaine de la bionique. Ouh là là, la bionique, on a l'impression de rentrer dans un livre d'Asimov. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc la bionique, c'est l'utilisation médicale des interfaces homme-machine. C'est les cybersciences médicales, si on veut. Il y a deux grands champs d'application des nouvelles technologies dans le domaine médical. Le premier champ, c'est de travailler à remplacer des organes humains défectueux par des prothèses artificielles, donc par exemple les implants cochléaires, avec ou sans composantes biologiques. Et le deuxième champ d'application, c'est l'utilisation des outils de la réalité virtuelle pour des solutions médicales ou de réadaptation et tout le volet télémédecine. Et nous, dans notre laboratoire, on travaille de front sur ces deux axes, dans ces deux champs. Et idéalement, dans une approche bionique, on serait capable à terme d'avoir des interfaces qui pourraient permettre de connecter des systèmes artificiels au système nerveux d'un être humain. D'accord, donc d'avoir un échange entre la prothèse, entre guillemets, et le cerveau. Voilà. Mais ces applications bioniques, elles sont assez récentes, non? Il y a quelques. Vers le 25-26 octobre, on a entendu parler d'un homme en France qui a été transplanté ou greffé, je ne sais pas comment on dit, avec un placenta artificiel. Est-ce que c'est vraiment les débuts de l'ère bionique? Oui, c'est une discipline qui est en plein essor, mais c'est clairement le futur de la médecine. Dans les prochaines décennies, il est clair que la médecine va entrer dans l'ère bionique. Donc pour le patient à propos duquel vous parlez, effectivement, les chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Montpellier en France ont mis au point un pancréas artificiel. Donc c'est un pancréas, un petit appareil qui est implanté dans l'abdomen du patient et qui prend régulièrement des mesures de glucose sanguin du patient. La glycémie. Oui, mais pourquoi il s'agit d'un plan bionique? Parce qu'en plus, il va interagir. C'est-à-dire que si le taux de glucose est trop faible, il va libérer de l'insuline de par lui-même dans le corps du patient. Et là, on a vraiment un dialogue, une intégration, une interface entre le domaine artificiel et le domaine du vivant. Et c'est un implant bionique parce qu'il y a une composante biologique qui est la libération d'insuline. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce pancréas artificiel va encore plus loin. Il est constamment connecté par Internet au moniteur de l'hôpital. Et si l'implant décide que là, il ne peut rien faire pour le patient, il envoie un message d'alerte et l'hôpital envoie une ambulance avant que le patient tombe dans le coma. D'accord. Et dans les médias, on parlait aussi du cœur. Oui, alors on peut aussi faire des cœurs artificiels. Bon, le cœur, c'est plus simple que le pancréas, parce qu'à la limite, le cœur, c'est juste une pompe. Donc, il y a juste l'aspect mécanique, et puis il faut connecter après les tuyaux mécaniques à la tuyauterie humaine, donc aux veines et aux artères. Mais c'est le même principe. Et donc, remplacer un organe par une prothèse. D'accord. Et dans le cas d'un implant cochléaire, en fait, c'est quoi une oreille artificielle? Exactement. Un implant cochléaire, c'est une oreille artificielle. On a un petit microphone qui remplace l'oreille, qui transforme les sons en signaux électriques. Et ces signaux électriques vont être transférés par des électrodes au niveau de la cochlée. Donc on implante des électrodes dans la cochlée, dans l'organe neurosensoriel de l'audition. Et l'interface se fait à ce niveau-là. Les électrodes stimulent le nerf auditif. Le nerf auditif envoie un message nerveux au cerveau. Le cerveau reçoit un message du nerf auditif. Pour lui, c'est un son. Donc là, on remplace vraiment l'oreille. Voilà. D'accord, c'est vraiment une interaction entre le cerveau et le cerveau, mais via le nerf auditif. D'accord. Et les études réalisées sur les implants cochléaires datent pas d'hier. On en a déjà entendu parler. Mais est-ce qu'on est capable, avec ces procédés-là, de rendre l'ouïe à un homme totalement sourd? Oui, donc les implants cochléaires, on n'en est pas à l'état d'essai. Là, c'est une technologie qui, même si elle se perfectionne tous les jours, existe maintenant depuis plusieurs décennies. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. Par exemple, on ne peut pas faire une implantation cochléaire si un patient a une dégénération complète du nerf auditif. D'accord. Là, le nerf auditif n'est pas stimulé depuis très longtemps, on ne peut plus implanter. Et dans ce cas-là, l'une des voies de recherche, c'est d'aller plus loin que la cochlée et de directement connecter le microphone de l'implant cochléaire au cerveau du patient. D'accord. Donc directement d'aller au niveau sous-cortical. Et ça existe déjà, on a déjà commencé depuis 5-6 ans à faire ça. Donc on connecte le microphone de l'implant cochléaire, non pas à la cochlée, mais directement dans le tronc cérébral, au niveau des noyaux cochléaires. Dans le monde, il y a à peu près 500 patients qui ont eu ce type d'implant, donc c'est très peu, et il y en a déjà deux qui ont été implantés à Québec. Donc, tout cet aspect bionique, Québec, on y travaille, et on va dans cette direction ici aussi. Et quelles sont les limites de l'implant cochléaire, ou est-ce qu'on a certaines limites pour l'instant? Pour l'implant cochléaire du tronc cérébral, bien sûr, parce que là, on est obligé d'aller opérer au niveau du cerveau. Et donc, il y a des risques, parce qu'on risque de connecter les mauvaises zones du cerveau, ainsi de suite. Donc, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus difficile. Et l'implantation, la connexion entre l'électrode et le système nerveux est plus difficile aussi. Mais maintenant, les technologies sont suffisamment matures pour qu'on puisse arriver là, au niveau de la microchirurgie, de la neurochirurgie et de l'imagerie médicale qui permet au chirurgien d'être guidé pendant qu'il est dans le cerveau de la personne. Oui, et puis les progrès au niveau de la miniaturisation des outils. Exactement, et aussi au niveau de la durabilité des composants qui permet d'avoir une interface entre du matériel électronique ou électrique et du matériel neural qui tienne et qu'on soit pas obligé de le remplacer tous les deux ans ou autre. Oui, parce qu'apparemment, l'un des problèmes qu'ils essayaient de résoudre au niveau de l'implant cardiaque, c'était de pouvoir le prolonger pendant 12 mois, je crois. Là, ça marcherait 6 mois. La personne doit quand même se pluguer à une batterie, hein. Mais l'organe artificiel en tant que tel a une limite. Alors l'intérêt des implants cochléaires, c'est que la batterie est dans le petit microphone qui est à l'extérieur du corps. Ouais. Donc c'est très facile parce qu'on a une source d'énergie externe. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir le cerveau à chaque fois qu'on veut rechanger la batterie. On le fait juste derrière l'oreille, on met une nouvelle pile et tout marche très bien. Le problème, c'était vraiment d'avoir un implant neuronal, donc une structure électronique qui est connectée au cerveau, qui ne soit pas rejeté par le cerveau et qui connecte les bons neurones au bon moment pour que le message puisse être transmis au niveau des structures auditives. C'est quand même impressionnant qu'il y ait déjà des 500 patients qui ont profité de... Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a deux à Québec. Il y en a deux pour l'instant, mais il y en aura bien ça bientôt. Ça vient chez nous, c'est bien. C'est ça, on est dedans, là. Donc en fait, si je comprends bien, on est vraiment à la veille de devenir des hommes-machines, des hommes bioniques. Ça fait un petit peu peur, non? Est-ce que la médecine bionique sera vraiment uniquement salvatrice ou peut-on se méfier des habits qui pourraient être faits, prendre le contrôle de personnes au niveau... Bon, il y a toujours un risque, on a toujours tous les films de science-fiction en tête, bien sûr, mais c'est comme toute nouvelle découverte. Il faut l'utiliser pour les bonnes raisons et dans ce cas-là, pour la médecine. On pourrait, en théorie, avec la bionique, aller au-delà des limites normales de l'être humain. Mais bien sûr, en parallèle des débats et des progrès techniques, il va y avoir, et il y a déjà, toute une réflexion éthique qui se met en place et qui va se continuer au cours des prochaines décennies, qui va être nécessaire pour encadrer ce type de pratique, mais en gardant en tête l'aspect humain de l'homme. C'est-à-dire, le but de la bionique, c'est pas de transformer l'homme en une machine, mais c'est de soigner des patients. Oui. Donc de soigner des hommes, et ça doit servir l'homme avant tout. Oui, de toute façon, le problème éthique est lié à chaque développement scientifique. À chaque technologie scientifique et à chaque acte médical, pratiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on a parlé qu'on pouvait avoir un contrôle sur notre cerveau par la prothèse, mais il y a aussi un inverse. Il y a des études qui ont été faites chez l'homme où ils prennent l'activité du cerveau pour permettre à des personnes polyhandicapées de faire bouger un bras en prothèse ou prendre carrément le contrôle d'ordinateur. Oui, en fait, c'est des résultats qui ont été obtenus grâce aux travaux qui ont été faits chez le singe par les équipes du MIT et des équipes de Stanford. Donc au Massachusetts et en Californie. Et effectivement, le dialogue va dans les deux sens. C'est-à-dire que les prothèses électriques peuvent communiquer avec le cerveau, mais en retour, on peut très bien imaginer que le cerveau peut donner des ordres à des prothèses électriques. Que ce soit les tissus nerveux ou les tissus électriques, dans les deux cas, ils parlent par des impulsions électriques. Donc on peut vraiment communiquer dans les deux sens. Et c'est bien ça l'intérêt de l'approche bionique. D'accord. Et on avait parlé dans une... Donc, dernière question pour finir. On avait parlé il y a quelque temps avec un chercheur sur la thérapie cellulaire qui est quand même une autre façon de régénérer des tissus. Là, on parle d'une médecine qui tend à changer un tissu par une prothèse, entre guillemets, ouais. Je peux utiliser le mot prothèse. C'est une prothèse, mais c'est pas juste une prothèse simplement mécanique. L'intérêt des prothèses bioniques, c'est qu'elles peuvent très bien inclure une composante biologique. D'accord. Donc on peut très bien avoir un support mécanique à une stratégie de thérapie cellulaire. Et on restera dans une stratégie bionique. C'est-à-dire que la bionique, c'est pas la prothèse versus le biologique, c'est l'intégration dans une même prothèse d'une prothèse mécanique et d'un supplétif biologique. C'est vraiment cette interaction entre le vivant et l'inerte dans une visée médicale. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Mathieu Bitton. Comme vous avez vu, vous êtes ici chez vous. Hein. Donc, revenez avec plein de découvertes futuristes. La prochaine fois, on parlera peut-être de la Lune ou je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on est bien étonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ben, merci beaucoup, oui, Mathieu Guiton, et merci beaucoup, Morgane, pour ces découvertes. Merci de nous avoir ouvert les yeux et, j'oserais dire, ouvert les oreilles même sur tous ces avenues de la bionique. Alors, après ces découvertes, bon, on va faire une pause musicale et vous êtes toujours sur CKRL au 89,1.